C'est qui? Me revoilà. Ah ok. Ok. C'est qui le meilleur de maillot? Je dois en motiver, laisse-toi penser par le tempo. Je ne veux pas te déprimer, non je ne parlerai pas d'impro. Mais pour te faire bouger, tu sais que t'as affaire à un pro. Alors rentre dans la ronde. Ne perds pas une seconde. Oui, nous blonde, main tout ronde. J'ai la place pour tout le monde. Tu as un peu ton instinct, ne regarde pas ce que fait ton voisin. Même si en danse tu as le niveau moins un. C'est ta festin, de voir ces gens vouloir vraiment tête. Un petit pas improvisé qui me teste. Une main en l'air n'est pas un hold. Pas de galère, l'ambiance est haute. Fais-toi et ne te reste qu'à te joindre à nous. Viens donc sur la piste. Faut que tu t'adonnes. Faut que tu t'adonnes. Faut que tu t'adonnes. En laisse tes pistes. La musique est bonne. Tant que la musique est bonne, tant que la musique est bonne. Bon, dis top, never stop. Tu es 2-3 bons anglais, hommage au King of Pop. Sur la piste, t'es lancé dès les premières notes. Tu veux t'empêcher de danser, mais y'a pas d'antidote. Tu connais ma tactique, c'est l'attaque. Sur scène, c'est pratique, j'ai tic et tac. Ne sois pas sceptique, c'est du tac au tac. Un album éclectique, t'es déjà au tac. Mais dès que tu t'inquiètes de taquiner le parc, y'a pas besoin de t'indiquer, de te lâcher pour te faire remarquer. Je ne vais pas te juger, non, je ne suis pas Chris Marquez. Si tu réussis, c'est comme si t'avais ouvert la marque. Ouais, ça va. Quand tu danses, tu te sens pas l'aise. Alors lève ton petit cul de la chaise. La vie est courte, demande au père la chaise. Viens.